c'est comme à la télé. Aujourd'hui j'ai décidé de tronquer ma trottinette contre un Walkman, une épée, un costume de bioman. Toujours aller plus vite que mon ombre, reste tranquille où j'appelle les Dalton. Quoi neuf docteur, le portable à la main. N'hésite pas à m'envoyer des SMS, t'es le coyote j'accours. Passe ta bagnole, gyrophare en congé, Starsky c'est moi, t'as le bonjour d'Albert. Un pour tous, tous pour un, les mousquetaires sont dans la place. Kamehameha, furieux comme Vegeta. Un tour de nuages magiques, qu'est-ce que tu me racontes là? Arnold et Willy sont de la partie, si tu veux, y'a quand 10 petites filles. Sur le torse, j'ai décidé. Appelle-moi Ken ou Ben, Barbie la bienvenue. L'agence touriste qu'on débarque frappe fort à ta porte pour l'amour du risque. Sors le cigare, Hannibal Smith, j'ai pas les griffes de mon animal. Voilà Barracuda. La jaquette, un slove dans K2000. Attention, chips dans les parages, impossible d'esquiver. Chéri, fais-moi peur, ambiance happy day. J'suis pas riche comme d'hier, et j'suis pas né d'hier. Supercopter décolle, un problème. Superman, Spiderman, Batman sont là. Quoi, j'ai tort, appelle Albator. Si c'est pour la force, y'a Musclor, les musclés du club Dorothée. Attention à la secouche, j'suis l'homme qui tombe à pic. À l'aide 4 Sai, y'a une alerte à Malibu. On dit que le silicone déconne. J'ai eu un tuyau par Luigi, Mario, paraît que la croisière s'amuse. Sexe à bras 40 bars, je te fais le coup du chapeau chapeau. J'ai la goldorax sur mon 31 communiste, faut que ça glisse. Nono, tu déconnes, mets de l'huile. Attention, Bélix, avec César, Astérix et Péril. J'espère que madame est servie, je lui ai rien promis. Scooby-Doo rend ton plan, Milou, tu sais, papa chou, c'est pas d'accord. Les chiens pissent partout, moi je m'en fous, j'ai 30 millions d'amis. Je te bionique comme l'homme qui valait 3 milliards 007. Je m'infile discrètement avec la panthère rose, les frères Abdou, Picsou et la panda Basile. Allô, les Simpsons, y'a le téléphone qui sont, y'a jamais perso qui répond. Gaston, la gaffe est faite, y'a plus Hercule qui se bastonne. Si vous continuez comme ça, j'appelle Magnum, l'inspecteur Gadget qui débarque en compagnie de Sherlock Holmes. Au collège, foufoufou, Nicky Larson ne craint personne. Encore moins les mini-pousses, c'est l'équipe d'Olivier Tom. Si tu préfères l'aventure le long du Mississippi, y'a Tom Sawyer qui t'attend avec tous ses amis. Maintenant c'est terminé, faut fermer la télé. Enfiler vos pyjamas de tortue ninja. Et oui, l'école est finie, va falloir aller au lit. Le marchand de sable est passé, bonne nuit les petits. Been a little slice of heaven, 'cause it hasn't.